La brigade est Paul Jazz. La magie, je connais. Opération coup de poing. Again, again, again. Opération coup de poing. Meko, oi, oi, oi, oi, oi. Brigade Sabari. Meko, aïe, aïe, aïe, aïe. Brigade Sabari. Tentaculaire est le monde dans lequel on vit. Spectaculairement, gravit les échelons un à un sans préavis. Pardon, je demande brigadier. Pardon, on ne dit pas toujours ce que l'on sait, pourtant il faut qu'il sache qu'on tienne bon. C'est brigadier Savary. Ah bon, ah bon. Ceux qui charriaient sur Paris demande pardon, on ne fait qu'écoper du fruit de la graine plantée. Trompé, vous êtes tous et ne cherchez plus à nous stopper. On fait le nécessaire pour notre salut. On n'attend pas que la tuche monte, on entretient le mythe pour pas qu'il soit trop salé. On prend le taureau par les cornes, la réussite en prime, même si nous malmène, et c'est pas pour rien qu'on trime. Opération coup de poing. C'est dire ce qu'on a sur le cœur, passage et de nos émotions en cœur. On avance ensemble, unis communs. Un but commun, faire en sorte que les frères soutiennent à Paris. Crior, crior, dissonne sans cesse une vie. Oh, c'est une vie. Opportunité, l'unité est plus que nécessaire. L'opportunité, l'infinité. Car avec l'heure, c'est seul qui pas facile, dit. Mais nous on s'obstine pour que les choses s'obtiennent. Et si on lâche prise, on priera pour que les autres tiennent. Opération coup de poing. Que s'il nous venir en aide pour remettre ce monde en ordre. Opération coup. Opération coup de poing, yeah. Meko, oi, oi, oi, oi, oi. Brigade Sabari. Meko, aïe, aïe, aïe, aïe. Brigade Sabari. Un jour ou l'autre, y'a le droit. Mais nul ne sait quand réussir, quand tu réussis. Viens pas briller, que rien n'annule des plans. La guerre ouvre au monde, pas de politique de l'autruche. Cuisine la vie comme des guêpes et ramène tout à notre ruche. Et vu ce qu'on ramène, on encourage le fan à prendre conscience des choses et réagir sans courage de crâne. Notre ultime mission, car opération, les coups de poing, les plaintes de ceux qui sillon. Brise du droit d'expression, le testament sur sillon. Gravé pour ceux qu'on représente, la garde combat l'oppression. Et c'est ce qu'il faut que les représentent. Ici la chasse est ouverte, comme dans un safari, mais ça fait rien, on reste unis. Et ce, même si ça fait rire. Touche pas les boutons, c'était bien ça la bande station. Avec la brigade et Paldia comme combinaison. Opération coup de poing, pour de meilleurs lendemains. Opération coup de poing. Opération coup de poing, yeah. Meko, oi, oi, oi, oi, oi. Brigade Sabari. Meko, aïe, aïe, aïe, aïe. Brigade Sabari. Right over we mind, you understand? Mr. Policeman.